vraiment pour faire chambre quitter. Mais la vie, pas de nous chance qu'un bel. C'est dit au vintim ou bien loin. Moi, c'est dernier moun qui te connaît. C'est tous amis qui viennent raconter. Tripotage toujours divisé. Pourquoi moi m'a cherché pillé. M'espérer, ça m'a tué. Yo pas gentil expliqué. Yo préféré, j'étais insinué. Si couillet à moins qu'on aime ça. S'étendait, m'attendait au chanter. Dans le monde, cela n'est pas plus grave.